Chapitre 19e. Le lieu que j'habitais était le sommet d'une colline plus éloignée de la rivière que ma première demeure. En face de moi, les montagnes, toujours boisées, se dessinaient en belles lignes ondulées sur le ciel. On apercevait au loin une case autour de laquelle on avait, selon l'habitude, enlevé les arbres. Les Indiens y allaient le dimanche boire de la cachasse et passaient à cette occasion près de mes domaines. Peu à peu, ils se familiarisèrent en me voyant chasser non seulement les oiseaux, mais les quadrupèdes, les sauriens et les serpents. Ils vinrent m'en apporter eux-mêmes, et heureusement j'étais en mesure de payer leur peine. J'avais fait venir de Santa Cruz une provision de petite monnaie. Tous les dimanches, les indigènes des deux sexes prirent l'habitude de venir me voir. Je m'étais aussi procuré de la cachasse. Ils la sentaient de loin. Je profitais de ces visites pour les faire poser et me remettre au tableau que j'avais été forcé d'abandonner, et à peu d'exceptions près, je ne rencontrais plus les difficultés qui m'avaient arrêté longtemps. Un dimanche, j'étais fatigué, et je revins de bonne heure à ma case. Ma chasse n'avait pas été très heureuse. Déjà, selon l'habitude qu'avaient prise les Indiens pour lesquels je n'étais plus un objet de crainte superstitieuse, plusieurs d'entre eux étaient assis chez moi. Quelques instants après, j'eus la surprise de voir entrer les parents du pauvre Almeida, qui, au dire de mon hôte, devait si fort s'irriter en me voyant peindre le mort, et qui avait été la cause de mon départ. Ils venaient d'eux-mêmes s'offrir à mon pinceau. J'en peignis deux en présence de l'assemblée, et j'entendis répéter de deux côtés en forme d'éloge pour la ressemblance « tel et quel, tel quel ». Si j'avais été disposé à continuer, je n'aurais eu qu'à choisir. Je donnais pour chaque étude environ la valeur de 50 centimes. Ensuite vint, comme d'usage, la distribution de la cachasse, aux hommes d'abord, et après eux aux dames. Ma générosité allait à une bouteille par réception. Une fois que tout était bu, la société s'en allait sans même dire adieu Sobia. J'avais bien quelques protégés, celles qui n'avaient pas encore posé. Je tenais en réserve quelques petits verres à leur intention. L'une d'elles, profitant de ce que je m'étais absenté un instant, me voula une bouteille et but à la hâte tout ce qu'elle contenait. Un instant après, elle se mit à pousser des hurlements en faisant des contorsions épouvantables. Au milieu de ses cris, je compris qu'elle se croyait empoisonnée. Elle disait qu'elle avait avalé une de mes drogues. J'avais prudemment fait courir le bruit que plusieurs de mes bouteilles contenaient du poison, et mes doigts tout noirs de nitrate d'argent paraissaient un témoignage irrécusable. Du reste, la bouteille vide que l'Indienne avait laissée tomber ne me laissait aucun doute sur la nature de son mal. Elle n'était qu'ivre, mais comme son époux rentrait et commençait à mêler ses crieries aux siennes, je me vis forcé de le jeter à la porte avec force coup de pied. Je me levai, selon mon habitude, au premier chant du coq. Je rencontrai d'abord une grande montée à travers un défrichement, puis j'entrai dans le bois, toujours en gravissant, et enfin je me trouvai sur un terrain plat. J'étais déjà tout en sueur bien avant le lever du soleil. J'avais négligé longtemps certains oiseaux ressemblant à des grives, nommés sabias. Ils n'étaient pas brillants de couleur, mais comme il s'agissait de manger, il ne fallait pas faire le difficile. J'en trouvais souvent sur mon chemin, ainsi que des engoulevents. Je n'avais qu'à me baisser un peu pour déposer mon sac à terre, puis je faisais glisser sans bruit le long de mon bras libre ma carabine qui pendait à mon épaule en bandoulière. Et rarement, je manquais d'abattre plus de gibier qu'il ne m'en fallait pour mes repas. Plus loin, j'entrais dans les grands bois. En attendant ma chambre noire et ma tente que ma Noël m'apportait chaque jour, j'essartais avec mon couteau de chasse le terrain propre à l'édification de mon atelier. Ce n'était pas chose aisée, surtout si je rencontrais de grosses racines. Le choix des vues à peindre n'était pas non plus exempt de difficultés. Comme j'étais souvent très rapproché de mes modèles, il me fallait travailler à genoux dans ma tente. Parfois, un orage dont rien n'annonçait l'approche venait fondre sur nous. Nous nous empressions de tout emballer, et quand nous étions prêts à partir, les chemins, ou plutôt les sentiers déjà si encombrés, se changeaient en torrents. Je rentrais au gîte dans un piteux état. Je buvais alors un verre de cachasse et je me jetais sur mon hamac. Un jour, j'étais à genoux dans ma tente et tout en travaillant avec ardeur, j'entendais des voix. On parlait avec Manoël. Quel fut mon étonnement, quand en mettant la tête à la hauteur de la portière, je vis une douzaine de sauvages botocudos avec leurs lèvres déformées et leurs oreilles d'un demi-pied de long. Ils ne comprenaient certainement rien à cette tente, dans laquelle, au milieu du jour, ils apercevaient de la lumière. Ce fut bien pire quand ils en virent sortir en rampant un homme à tête rasée et à longue barbe. Ces 12 Botocudos avaient été envoyés en députation près du président de la capitainerie de Victoria. Ils étaient entrés dans la ville tout nus, sans y être annoncés, et au grand effroi plus encore qu'au grand scandale des habitants qui leur avaient aussitôt offert des chemises et des pantalons. À leur départ, on leur avait donné des fusils, de la poudre et du plomb, et de plus, de belles paroles, des promesses magnifiques qui n'engageaient à rien. À peine hors de la ville, attendu que les vêtements dérangeaient un peu leurs habitudes, ils avaient fait comme moi pendant mon voyage au milieu de l'eau, c'est-à-dire que roulant en paquet leurs habits, ils les avaient placés sur leur dos. Ils portaient leurs fusils en bandoulière et à la main leurs arcs. J'avais par hasard sur moi quelques petits objets, entre autres un couteau et une lime à ongles, achetés dans les baraques du boulevard Bonne Nouvelle, la semaine du jour de l'an. J'en fis présent à celui qui paraissait le chef de la troupe. Nous fûmes bien vite bons amis, et il me donna en échange un arc et 3 flèches. J'ajoutai à mon présent la moitié de mon déjeuner, qui fut également bien reçu. Je fus récompensé de cette bonne action par ce que je vis. Celui qui me paraissait être le chef avait, comme ses compagnons, dans une ouverture faite à la lèvre inférieure, un morceau de bois rond, un peu plus large qu'une pièce de 5 francs. Il se servit de ce morceau de bois comme d'une table, découpant dessus avec mon couteau un morceau de viande fumée qui n'avait qu'à glisser de là dans l'intérieur de sa bouche. Cette façon de se servir de la lèvre comme d'une table me parut d'une grande commodité. Mes nouvelles connaissances avaient également 2 grands morceaux de bois pareils dans le lobe des oreilles. Sans cette précaution, elles eussent pendu d'un demi-pied.